Malédiction, yon pap rentre nan paradis. Si moun fronte, kape de respect de glamour. Mene yale, mene yale. Grâce la miséricorde, tu ne devras pas tomber sous les. Son bobo, ah,